멈춘 시간 속 잠든 널 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸. 레 Bain en haut de la colline. Une histoire écrite et lue par J0305. Assise seule sur son habituel banc en haut de la colline, Minerva feuilletait nonchalamment un livre qu'elle s'était procuré récemment à la bibliothèque de Poudlard. Elle y était encore directrice et songeait lentement mais sûrement à prendre une retraite bien méritée. Chaque chose en son temps, cependant. Aujourd'hui, elle profitait d'un dimanche tranquille. Même le vent semblait s'être calmé pour ne pas la déranger, dans son endroit préféré. Elle l'aimait car il offrait une large vue dégagée des alentours, dont le riz de la forêt interdite et le lac noir. En ces vacances d'été chaudes et ensoleillées, aucun élève ne se promenait sur le territoire de l'école de sorcellerie, mais Minerva attendait quelqu'un. D'autres minutes s'envolèrent dans l'espace-temps, qui n'avaient plus aucune importance. Seul le parfum des fleurs et le crépuscule orangé importaient. Une femme blonde apparut soudain dans cette idylle, arrachant un sourire contenu à la plus vieille. Il y avait juste assez de place sur le banc de bois pour deux paires de fesses. « Salut !» souffla Narcissa de sa voix mélodieuse. Elle prit place aux côtés de son amie et laissa un silence agréable flotter entre elles. C'était ce que chacune aimait le plus de l'autre. Parfois, seule une présence rassurante suffisait et faire la conversation n'était aucunement nécessaire. Narcissa passa son bras autour des épaules de Minerva et celle-ci lui déposa une main chaleureuse sur la cuisse. Elles regardèrent le coucher du soleil jusqu'à ce que le paysage s'assombrisse. « Il serait l'heure d'y aller ?» dit la femme aux cheveux argentés. La blonde acquiesça sans protester. Il y aurait bientôt des moustiques. La directrice se leva alors en s'étirant et fit craquer ses vieilles articulations. Sa jeunesse commença à être loin derrière elle. Narcissa l'imita, puis prit la main de son amie dans la sienne. Elles marchèrent jusqu'au château sans échanger d'autres paroles. Lorsqu'elles entrèrent finalement dans la suite où résidait Minerva, cette dernière lui proposa, comme presque toujours, une petite gâterie. « Tu veux du vin ? J'ai aussi du sorbet au citron que les cuisiniers continuent de préparer. « Sinon, j'ai du Porto », ajouta-t-elle avec un sourire en coin. Ce fut cette dernière proposition qui retint l'attention de son invité. « Il faut se faire plaisir de temps en temps. Je prendrai un peu de Porto, s'il te plaît. » La bouteille sortit de son armoire, les coupes se remplirent sans plus attendre, et les deux femmes trinquèrent à cette belle soirée d'été. Assise seule sur son habituel banc en haut de la colline, Narcissa était plongée dans un roman d'amour. Elle tourna les pages sans se préoccuper de l'heure. De toute manière, elle habitait désormais seule au manoir depuis quelques années. Son ancien mari était encore en prison et son fils avait quitté la demeure familiale afin de voler de ses propres ailes. Autant elle rayonnait de fierté pour son seul enfant, autant la solitude la rongeait un jour à la fois. C'était sa rencontre avec Minerva qui avait de nouveau égayé ses journées. La directrice de Poudlard, malgré son début de soixantaine, était encore bien en forme et encourageait Narcissa à prendre de longues marches avec elle, idéalement dans le jardin du manoir ou dans la cour de Poudlard. Cette femme, d'apparence stricte et sévère, cachait sous son chignon serré une personnalité tendre, presque romantique. La blonde ne pouvait nier que ça lui plaisait. Ça la rendait heureuse, surtout. En finissant son chapitre, elle sursauta à la vue de Minerva, qui s'était tranquillement installée à ses côtés sur le banc. Cette dernière bénéficiait d'un accès direct au manoir où elle pouvait transplaner sans problème. Ses visites surprises, somme toute assez fréquentes, étaient le soleil de ses journées. Elle les attendait toujours avec impatience, surtout qu'outre sa sœur, Andromeda, son petit-neveu, Teddy, et son fils, bien sûr, elle recevait très rarement d'autres visiteurs. « Presse-toi pas pour moi, finis ton livre », déclara la nouvelle venue en guise de salutation. Il lui restait moins d'une centaine de pages. « On pourra aller prendre une marche après ?» proposa Narcissa, avant de faire exactement ce qui lui avait été gentiment ordonné, finir son livre. Pendant qu'elle lisait, son amie sirota le restant de son thé qu'elle avait apporté dans une tasse en inox. Le silence les enveloppa alors, entrecoupé de pages qu'on tourne et de thé qu'on avale. Si on pouvait décrire le bonheur en toute simplicité, ce moment en serait probablement un exemple parfait. Le claquement d'une couverture de livre qu'on referme mit fin à la douce torpeur qui s'était emparée de la cour du manoir. La blonde se releva, et Minerva en fit de même, arborant une expression détendue et heureuse. D'un accord commun, elles glissèrent leurs mains ensemble dans une étreinte lâche et entreprirent de faire le tour du grand jardin. Elles ne rentrèrent qu'en fin d'après-midi, et Narcissa proposa à son invité un repas qu'elle avait cuisiné elle-même, accompagné d'une quantité généreuse de vin. Son hôte ne put refuser la promesse d'un tel délice, et d'un coup de baguette, deux coupes et une bouteille voltigèrent jusqu'à la terrasse extérieure. Il fallait toujours prendre un apéritif après une marche, et puis ça laissait au plat le temps de cuire. « Je pense prendre bientôt ma retraite », dit soudain Narcissa en deux gorgées de vin. « L'année prochaine, sûrement. » L'autre femme hocha la tête, satisfaite de cet aveu. « On pourra passer plus de temps ensemble. Peut-être même partir en voyage. Ça t'intéresserait ?»« Oui, sûrement. Mais c'est dans longtemps encore. On a le temps de se penser. Ce que j'aimerais bien, par contre, c'est d'emménager ensemble. » Les yeux bleus clairs s'illuminèrent à cette proposition. « Vraiment ? Au manoir ?» La plus vieille s'esclaffa légèrement. « Non, je pensais plus à un petit chalet dans la campagne, près d'un lac idéalement. On pourrait adopter un chat aussi. » Narcissa était dans un rêve éveillé. Jamais elle n'aurait osé proposer ce genre de choses à sa grande amie. Et pourtant, elle ne désirait rien de plus. « J'adorerais ça, » avoua-t-elle timidement. En réponse, Minerva l'embrassa sur les lèvres pour sceller leur engagement. « J'ai hâte. Moi aussi. » Salut! Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que l'histoire vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!